Pensionnaire par Anton Tchekhov. Le bourgeois Mikhailo Petrov Zhutov, un vieillard de 70 ans environ, décrépit et solitaire, fut réveillé par le froid et par une courbature dans tout le corps. Il faisait encore nuit dans la chambre, mais la petite lampe de l'icône ne brûlait plus. Zhutov souleva le rideau et regarda par la fenêtre. Les nuages qui couvraient le ciel commençaient déjà à blanchir et l'air devenait transparent. Il était donc 4 heures à peine. Zhutov resta encore quelque temps au lit, tout sautant et se recroquevillant, puis il se leva. Selon son ancienne habitude, il pria longtemps debout devant l'icône. Il récita le pater, le credo, plusieurs autres prières, machinalement. Par habitude aussi, il balaya sa chambre et son vestibule et mit du charbon dans son petit samovar rondelet en cuivre rouge. Si Zhutov n'avait pas eu ses habitudes, il n'aurait su comment occuper sa vieillesse. Le samovar s'alluma lentement, puis tout à coup il se mit à bourdonner. « Allons bon, » murmura Zhutov, « voilà qu'il chante. Chante pour toi. » Ce bruit rappela au vieillard qu'il avait rêvé d'un four la nuit dernière, et rêver d'un four est signe de chagrin. Seuls les rêves et les signes pouvaient encore exciter son cerveau à fonctionner. Aussi s'appliqua-t-il avec plaisir à résoudre ces deux questions. En signe de quoi bourdonne le samovar? Quel chagrin prophétise le four? Le rêve se réalisa aussitôt. Lorsque Zhutov, après avoir rincé la théière, voulut y mettre du thé frais, il n'en trouva plus une pincée dans la boîte. Cela le mit en colère, il commença à grogner. « Quelle vie de bagne » disait-il, en roulant dans la bouche avec sa langue des croûtes de pain bis. « Quel sort de chien! Pas de thé! Si j'étais un paysan encore! Mais je suis bourgeois, propriétaire! Quelle honte !» Tout en grognant et en monologuant ainsi, Zhutov mit son pardessus, qui rappelait par sa forme une crinoline, enfonça ses pieds dans d'immenses et grossières galoches faites par le cordonnier Prokhoritch en 1867 et sortit dans la cour. L'atmosphère était grise, froide et d'un calme morne. La grande cour, comme frisée de buissons de bardane et couverte de feuilles jaunes, s'argentait de givre automnale. Pas de vent ni de bruit, le vieillard s'assit sur les marches de son perron branlant et aussitôt se produisit ce qui se produisait exactement chaque matin. Liska, un grand chien de garde, blanc avec des taches noires, pelé, à demi-mort, avec l'œil droit fermé, s'approcha de lui. Liska s'avançait, lent et timide, en posant ses pattes avec précaution, comme s'il eût marché sur des dalles brûlantes et non sur la terre. Tout son vieux corps exprimait une misère extrême. Zhutov fit semblant de ne pas le remarquer, mais lorsque le chien, en remuant faiblement la queue, vint lui lécher sa galoche, il eut un geste de colère et frappa le sol du pied. « Va-t'en, crève » cria-t-il, « maudit !» Liska s'éloigna un peu, s'assit et fixa son œil unique sur son maître. « Les diables !» continua Zhutov, « il ne me manquait plus que de vous avoir !» Et il jetait un regard furieux sur son hangar au toit affaissé où poussait de l'herbe. Là, de derrière la petite porte, une grosse tête de cheval le contemplait. Encouragée sans doute par l'attention du maître, la tête remua, s'avança, et aussitôt sortit du hangar le cheval tout entier, aussi vieux que Liska, aussi timide et maigre. Un cheval blanc de vieillesse, au ventre rentré, à l'échine osseuse. Une fois dehors, il s'arrêta, indécis, comme troublé. « Vous ne crèverez donc jamais ?» poursuivit Zhutov. « Vous ne disparaîtrez jamais de devant mes yeux, pharaon de bagne ? Vous voulez manger ? » sourit-il avec une grimace de mépris sur son visage méchant. « Tout de suite, à l'instant. Pour un coursier si précieux, évidemment, je vais chercher la meilleure avoine. Mangez, s'il vous plaît, à l'instant. Et ce magnifique chien, j'ai de quoi le nourrir également. Et si un chien aussi cher que vous l'êtes n'aime pas le pain, il y a de la viande pour vous. » Zhutov grogna pendant une demi-heure dans une irritation croissante. Finalement, et n'y tenant plus de colère, il se leva et se mit à frapper le sol avec ses galoches, et cria de toute la force de sa voix « Je ne suis pas obligé de vous nourrir, parasite. Je ne suis pas un millionnaire, je ne puis pas vous entretenir. Je n'ai rien à manger moi-même, sale rosse, que le choléra vous dévore. Je ne retire ni joie ni profit de votre existence, rien que chagrin et ruine. Pourquoi ne crevez-vous pas? Quel personnage êtes-vous donc que la mort même ne veuille pas de vous? Vivez alors! Que le diable vous emporte, mais je ne veux plus vous nourrir. J'en ai assez. Je ne veux plus. » Zotov s'indignait et le cheval et le chien écoutaient. Ces deux pensionnaires comprenaient-ils qu'on leur reprochait leur pain? Je l'ignore. Mais leurs ventres se rentrèrent encore plus, leurs figures se rétrécirent, devinrent plus mornes et pitoyables. Leur aspect résigné exaspéra encore davantage Zotov. « Hors d'ici » cria-t-il, comme illuminé par une inspiration subite. « Hors de ma maison ! Que mes yeux ne vous voient plus ! Je ne suis pas obligé de tenir dans ma cour des charognes pareilles ! Hors d'ici !» Le vieillard courut en sautillant à la porte cochère, l'ouvrit et, ayant ramassé un bâton, se mit à chasser ses pensionnaires. Le cheval leva la tête, remua ses épaules et sortit, en boitant, de la cour. Le chien le suivit. Tous les deux firent une vingtaine de pas et s'arrêtèrent près d'une palissade. « Attendez un peu !» leur cria Zotov d'un ton menaçant. Cette exécution le calma un peu et il se mit à balayer la cour. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans la rue. Le cheval et le chien se tenaient toujours près de la palissade, comme figés dans le sol, et regardaient tristement la porte cochère. « Essayez un peu de vivre sans moi !» murmura le vieillard, sentant que la colère quittait peu à peu son cœur. « Qu'un autre s'occupe un peu de vous. Moi, je suis avare et méchant. On est très mal chez moi. Eh bien, allez vivre chez un autre. Oui. » Après avoir savouré la mine piteuse de ses pensionnaires et grogné suffisamment, Zotov sortit de la cour et, donnant à sa physionomie une expression aussi furieuse que possible, cria « Eh bien, qu'avez-vous à rester là? Qui attendez-vous? Vous ne faites que barrer la rue et empêcher la circulation du public. Rentrez dans la cour !» Le chien et le cheval, depuis longtemps habitués à comprendre les intonations de leur maître, baissèrent la tête et, comme des coupables, se dirigèrent vers la porte cochère. Liska, sentant sans doute qu'il n'avait pas mérité son pardon, glapit plaintivement. « Pour vivre, vivez, mais quant à la nourriture, vous n'en aurez pas, » disait Zotov en les laissant entrer. « Crevez, si vous voulez !» Cependant, à travers le crépuscule du matin, le soleil commençait à percer. Ses rayons obliques glissèrent sur le givre, des voix et des pas se firent entendre. Zotov remit le balai en place et s'en alla chez son voisin et compère, Mark Ivanitch, un épicier. Entré dans la boutique, Zotov s'assit sur un pliant, soupira profondément, se passa la main dans sa barbe et commença une conversation au sujet du temps qu'il faisait. Puis les deux compères causèrent du diacre, ensuite des chantres, et l'entretien se prolongea. À causer de la sorte, le temps passait sans qu'on s'en aperçût, mais lorsque le petit commis apporta une grande théière avec de l'eau bouillante et que les deux compères se mirent à boire du thé, le temps courut rapide comme l'oiseau. Zotov se réchauffa et s'égaya. « J'ai quelque chose à te demander, Mark Ivanitch, » fit-il après le sixième verre en tapant avec ses doigts sur le comptoir. « Sois donc assez bon. Donne-moi aujourd'hui encore du foin. » Derrière la grande caisse à thé où était assis Mark Ivanitch se fit entendre un soupir profond. « Sois donc assez bon, » continua Zotov. « Du thé, je ne t'en demande pas aujourd'hui, mais donne-moi du foin. C'est honteux ce que je fais. En te demandant cela, je t'accable de ma pauvreté, mais le cheval a faim. » « On peut certes donner, » soupira le compère. « Pourquoi ne pas donner ? Mais dis-moi, je t'en prie, pourquoi diable tiens-tu à ces rosses-là ? Si encore le cheval valait quelque chose. Mais piou, il ne vaut rien. Il est dégoûtant à voir. Le chien, ce n'est qu'un squelette. Pourquoi diable les nourris-tu ? Que veux-tu donc que j'en fasse ? Mais tu n'as qu'à les mener chez Igna, à l'écorcherie, voilà tout. Il est grand temps qu'ils finissent par là. C'est leur véritable place. Tu as raison, certes, dit Zotov. En effet, tu vis de l'aumône et tu nourris des bêtes, continua le compère. Je ne plains pas mon foin, mais enfin cela devient ruineux de donner chaque jour. Ta pauvreté est sans fin ni limite. On donne, et on ne sait pas quand cela finira. Le compère soupira et passa sa main sur son visage rouge. « Toi aussi, il est temps que tu meurs, » dit-il. « Tu vis sans savoir comme. Ma foi, c'est ainsi. Maintenant, puisque Dieu ne te donne pas la mort, tu devrais te retirer dans quelque asile. « Pourquoi ? J'ai des parents, j'ai une petite fille. » Et Zotov se mit à raconter longuement que dans un certain village vivait sa petite fille Glashka, fille de sa nièce Catherine. « Elle doit me nourrir, » dit-il. « Elle héritera de ma maison. » Donc, elle est obligée de me nourrir. Eh bien, je m'en irai chez elle. C'est, comprends-tu, Glashka, la fille de Catherine. Et Catherine, comprends-tu, c'est la belle-fille de mon frère, Panteleï. Tu as compris ? C'est elle qui héritera de ma maison. Qu'elle me nourrisse donc. Eh bien oui, au lieu de vivre comme cela des aumônes, tu aurais dû aller la trouver il y a longtemps. J'irai, ma foi, j'irai. Elle y est obligée. Lorsque, une heure après, les deux compères eurent bu un petit verre de vodka, Zotov se tenait au milieu de la boutique et parlait avec animation. « Il y a longtemps que je me propose d'y aller. J'y vais aujourd'hui même. Certainement, au lieu de vagabonder ainsi et de crever la faim, il y a longtemps que tu aurais dû y aller. J'y vais tout de suite. J'arriverai, je lui dirai, prends ma maison et nourris-moi, vénère-moi. Elle y est obligée. Si tu ne veux pas, tu n'auras ni ma maison ni ma bénédiction. Adieu, Ivanitch. » Zotov but encore un petit verre, et sous l'impulsion de sa nouvelle idée, il se hâta de rentrer. Sa tête tournait à cause de la vodka bue, mais il ne se coucha point. Il rassembla ses vêtements, en fit un paquet et pria. Puis, une canne à la main, il sortit. Sans se retourner, murmurant et heurtant les pierres de sa canne, il suivit sa rue et se trouva dans les champs. Le village où il se rendait était situé à 10 ou 12 verstes. Il marchait par le chemin sec, regardait le troupeau des vaches de la ville, qui broutait paresseusement l'herbe jaunie, et pensait à la révolution qu'il venait d'accomplir dans sa vie. Il pensait aussi à ses pensionnaires. En s'en allant, il n'avait point fermé la porte cochère, leur laissant ainsi la liberté d'aller où ils voudraient. Dans les champs, il n'avait pas fait une verste qu'il entendit derrière lui des pas. Il se retourna et battit des mains avec colère. Derrière lui, la tête baissée, la queue entre les jambes, marchait lentement son cheval et Liska. « Retournez-vous » leur cria-t-il avec un geste de menace. Les bêtes s'arrêtèrent, se regardèrent et regardèrent Zotov. Celui-ci se remit à marcher, celles-là suivirent. Alors il s'arrêta et se mit à réfléchir. Aller avec ses bêtes chez sa petite fille Glatchka, qu'il connaissait à peine, c'était chose impossible. Retourner enfermer le cheval et le chien, il ne le voulait pas, et il ne l'aurait pu, car la porte cochère n'eût pas résisté au plus faible effort. « Il crèverait dans le hangar, » pensa Zotov. « Il faudrait peut-être, en effet, les mener chez Igna. » La maison d'Igna était située à l'extrémité de la ville, à une centaine de pas de la barrière. Zotov, qui n'avait pas encore décidé ce qu'il ferait, marcha vers cette maison. La tête lui tournait, il avait des éblouissements. Il ne se rappelle pas grand-chose de ce qui se passa dans la cour de l'écorcheur. Il se rappelle l'odeur lourde et dégoûtante des pots et la vapeur savoureuse de la soupe aux choux que mangeait Igna lorsqu'il entra chez lui. Il se rappelle comme dans un rêve qu'Igna, après l'avoir fait attendre 2 heures environ, préparait quelque chose longuement, changeait de vêtements, demandait du sublimé à une femme. Il se rappelle que le cheval était placé dans un établi, après quoi 2 coups sourds se faisaient entendre, l'un asséné sur un crâne, l'autre produit par la chute d'un grand corps. Comme Liska, à la vue de son ami mort, se jetait en glapissant sur Igna, un 3e coup résonnait qui interrompait les glapissements. Puis Zotov se souvint que, ahuri et saoul, il s'approchait à la vue des 2 cadavres, il s'approchait lui aussi de l'établi et tendait son crâne au cou de l'écorcheur. Ensuite, jusqu'au soir, ses yeux restèrent couverts d'un voile trouble, de sorte qu'il ne pouvait pas même distinguer ses doigts. Ici se termine « Pensionnaire » de Anton Tchekhov. Angoisse par Anton Tchekhov. À qui dirais-je ma tristesse ? Le crépuscule. De gros flocons de neige tourbillonnent autour des réverbères qu'on vient d'allumer, et lentement tombe, en formant une mince couche sur les toits, le dos des chevaux, les épaules, les chapeaux. Lisvotchik, cocher de fiacre, Yona Potapov, est blanc comme un spectre. Il s'est recroquevillé autant que peut le faire un être vivant sur son siège et reste immobile. Une avalanche tomberait sur lui qu'il jugerait, semble-t-il, inutile de secouer la neige qui l'enveloppe. Son pauvre cheval est également blanc et immobile. Par sa rigidité, ses formes anguleuses, la raideur de ses jambes, il rappelle assez bien les chevaux en pain d'épices. Selon toute probabilité, il est plongé dans la réflexion. Un être qu'on a arraché à la charrue, aux gris paysages accoutumés, et jeté dans cet abîme plein de feux monstrueux, de fracas incessants et de gens qui courent, ne peut pas ne pas réfléchir. Yona et son cheval n'ont pas bougé de leur place depuis longtemps déjà. Ils ont commencé leur journée bien avant le déjeuner, ils n'ont pas gagné seulement un copec. Et voici déjà que les ténèbres s'étendent sur la ville, la pâleur des réverbères fait place à une lumière éclatante et le brouhaha des rues atteint son forté. « Cocher ! À la Viborskaya !» s'entend crier Yona. « Cocher !» Yona frissonne et à travers ses cils collés par la neige, il voit un officier enveloppé dans une pelisse à capuchon. « À la Viborskaya !» répète l'officier. « Tu dors, quoi ? À la Viborskaya !» En signe de consentement, Yona tire ses guides d'un geste qui, du garrot de son cheval et de ses propres épaules, fait tomber des plaques de neige. L'officier monte dans le traîneau, le cocher profère un vague « hu », tend son cou comme un signe, et par habitude, plutôt que par besoin, agite son fouet. Le cheval aussi tend son cou, plie ses jambes qui ressemblent à des bâtons, et part d'un pas indécis. Bientôt, Yona entend crier « Où vas-tu, imbécile ? Où les diables te mènent-ils ? Prends donc ta droite !» Ces interpellations s'adressent à lui, elles partent de la masse sombre qui va et vient dans la rue. « Tu ne sais pas conduire ? Prends donc ta droite !» lui crie l'officier en colère. Le cocher d'une voiture de maître l'injurie, un piéton qui traversait la rue et qui s'est heurté contre le museau du cheval, secoue la neige de sa manche et jette un regard furieux sur Yona. Celui-ci est sur son siège comme sur des aiguilles. Il agite les coudes et tourne les yeux d'un air ahuri comme s'il ne comprenait pas où il est et pourquoi il y est. « Que tout le monde est lâche !» dit l'officier qui veut faire de l'esprit. « Tout le monde veut absolument se heurter contre toi ou tomber sous ton cheval. C'est un véritable complot. » Yona se retourne, regarde le voyageur et remue les lèvres. Il veut évidemment dire quelque chose, mais il ne sort de sa gorge qu'un sifflement. « Comment ?» demande l'officier. Yona tâche de sourire et après un effort arrive à dire d'une voix rauque « Cette semaine, monsieur, mon fils est mort. »« Ah, et de quoi ?» Yona se retourne tout à fait vers son voyageur et dit « Qui sait ? La fièvre, probablement ?» Il est resté 3 jours à l'hôpital et il est mort. La volonté de Dieu. Tourne donc, maudit, entend-on dans la nuit? Tu as les yeux crevés, quoi, espèce de vieux chien? Va un peu plus vite, dit le voyageur, sans quoi nous n'arriverons pas avant demain. Plus vite! Le cocher tend de nouveau son cou, se soulève et agite son fouet avec une grâce lourde. Plusieurs fois encore, il retourne la tête vers son voyageur. Mais celui-ci a fermé les yeux et ne semble pas d'humeur à écouter. L'ayant déposé à la Viborskaya, Yona arrête son cheval devant un marchand de vin, se recroqueville et demeure immobile de nouveau. De nouveau la neige le peint en blanc, lui et son cheval. Plusieurs heures se passent. 3 jeunes hommes, 2 grands et minces, et le 3e, petit et bossu, passent sur le trottoir en faisant du bruit avec leurs galoches. « Cocher, au pont de la police !» glapit le bossu. « Nous sommes 3, 20 copecs !» Yona tire les guides. Et fait avec les lèvres le petit bruit qui lui tient lieu de « hu ». 20 copecs, c'est un prix dérisoire pour cette distance. Mais cela importe peu à Yona. 1 rouble ou 5 copecs, cela lui est égal maintenant, pourvu qu'il ait des voyageurs. Les jeunes gens, en se poussant et en s'injuriant, veulent monter tous les 3 à la fois dans le traîneau. Une question s'élève, puisqu'il n'y a que 2 places assises, qui restera debout. Après force jurons et bourrades, on décide que ce sera le bossu, à cause de sa petite taille. « Allons, va, et vite !» crie le bossu, en respirant dans la nuque d'Yona. « Quel bonnet tu as là, ami ! Il n'y en a pas de plus vilain à Pétersbourg !»« Hi, hi, hi !» rit Yona. « On a ce qu'on peut !»« Allons, allons !»« On a ce qu'on peut !»« Plus vite que cela ! Vas-tu nous conduire comme ça tout le long du chemin, hein ? Veux-tu recevoir sur le coup ?»« La tête m'éclate !» dit l'un des grands jeunes hommes. « Hier, chez les Doukmassov, nous avons bu, Vaska et moi, 4 bouteilles de cognac. »« Je ne comprends guère pourquoi tu mens de la sorte, » dit l'autre. « Tu mens comme une brute. »« Que Dieu me punisse si ce n'est pas vrai. »« C'est aussi vrai qu'un poutous. »« Hi, hi !» rit Yona. « De gais messieurs. »« Pfou ! Que le diable t'emporte !» s'indigne le bossu. « Vas-tu courir, vieux choléra, ou non ? Est-ce qu'on marche ainsi ? Mais frappe-le donc, ton cheval, fouette-le ! Hu, diable, hu, frappe-le bien !» Yona sent derrière lui le corps qui tourne et la voix qui vibre du bossu. Il entend les invectives qu'on lui adresse. Il voit des gens, et peu à peu la sensation de la solitude commence à l'abandonner. Le bossu l'injurie tant qu'il s'étrangle, enfin avec un juron archi-compliqué, et se met à tousser. Les grands entament une conversation au sujet d'une certaine Nadejda Petrovna. Yona se retourne pour les regarder. Dans un moment de court silence, il les regarde encore et murmure « Cette semaine, vous savez, mon fils est mort. »« Nous mourrons tous, » soupire le bossu, en essuyant ses lèvres que la quinte a mouillées. « Va vite cependant, vite. Messieurs, décidément, je n'en puis plus. Quand est-ce que nous arriverons avec lui ? Donne-lui donc un petit encouragement, sur le coup. Vieux choléra, tu entends ? Je vais te faire enfler le cou à coups de poing, entends-tu ? Si l'on vous laissait faire, il vaudrait mieux aller à pied, hein ? Entends-tu ? Ou tu te moques peut-être de ce qu'on te dit ?» Et Yona entend plutôt qu'il ne les sent des coups de poing sur sa nuque. « Hé hé ! » rit-il. « De gais messieurs, que Dieu leur donne bonne santé. »« Cocher, tu es marié ?» lui demande un des deux grands. « Moi ? Hé hé ! De gais messieurs. Maintenant, je n'ai plus qu'une femme, la terre humide. Hi, ho, ho ! C'est-à-dire la tombe. Mon fils est mort, voyez-vous, et moi je vis. Chose bizarre, la mort s'est trompée de porte. Au lieu de frapper à la mienne, elle est venue chercher mon fils. » Et Yona se retourne pour raconter comment son fils est mort. Mais ici, le bossu pousse un soupir de soulagement et déclare que Dieu merci, on est enfin arrivé. Après avoir reçu ses 20 kopecks, Yona suit longtemps du regard les débauchés qui disparaissent dans l'entrée sombre d'une maison. De nouveau, il est seul et de nouveau le calme se fait en lui. Mais bientôt l'angoisse revient l'oppresser avec plus de force. Ses yeux se promènent avec inquiétude et douleur sur la foule qui passe et repasse. Parmi ces milliers de gens, n'en trouvera-t-il pas un seul qui l'écouterait ? Mais la foule se démène sans l'apercevoir, lui et sa douleur, une douleur sans borne. Si la poitrine d'Yona éclatait et que sa douleur s'en répandit, elle submergerait le monde, semble-t-il. Cependant, il ne la voit guère. Elle a dû se concentrer dans un creux si profond qu'il serait impossible de l'apercevoir, même le jour, avec une lanterne. Yona voit un concierge, un sac à la main, et se décide à lui adresser la parole. « Mon ami, lui dit-il, quelle heure est-il ? Il est 9 heures passées. Qu'est-ce que tu as à rester ici ? Marche donc !» Yona s'éloigne de quelques pas, se recroqueville et s'abandonne à son angoisse. Maintenant, il juge inutile de s'adresser aux hommes. Mais 5 minutes ne sont pas encore écoulées qu'il se raidit, secoue la tête, comme s'il venait de ressentir une douleur aiguë, et tire les guides. Il n'en peut plus. « À la maison, pense-t-il, à la maison. » Et son cheval, comme s'il l'avait compris, se met à courir au petit trot. 1 heure et demie environ après, Yona est assis près d'un grand four sale. Sur le four, sur le sol, sur les bancs, des hommes ronflent. L'atmosphère est lourde et étouffante. Yona regarde les dormeurs, se gratte et regrette d'être rentré si tôt. « Je n'ai même pas gagné l'avoine de mon cheval, pense-t-il. De là, cette angoisse qui m'étreint. L'homme qui sait son métier, qui mange lui-même à sa faim et qui nourrit son cheval, est toujours calme. » Dans un des coins, un jeune cocher se lève, tout saute, et tend le bras vers le seau à eau. « Tu as soif ?» lui demande Yona. « Oui, j'ai soif. Eh bien, à ta santé. Tu sais, mon fils est mort. Tu n'as pas entendu ? Cette semaine à l'hôpital. Une triste histoire. » Yona regarde quel effet ses paroles ont produit, mais il ne voit rien. Le jeune cocher s'est couvert la tête et il dort déjà. Le vieux soupire et se gratte. De même que le jeune cocher avait envie de boire, il a, lui, envie de parler. Il y aura bientôt 8 jours que son fils est mort, et il n'en a encore parlé avec personne, comme il le voudrait. Il voudrait compter la chose en détail. Il voudrait dire comment son fils est tombé malade, combien il a souffert, ce qu'il a dit avant de mourir et comment il a trépassé. Il voudrait décrire l'enterrement et sa visite à l'hôpital pour chercher les effets du défunt. Au village est restée sa fille, Anicia. Il voudrait en parler un peu aussi. Il aurait tant de choses à dire. Son auditeur devrait pousser des « ah » ou des « oh », soupirer, exprimer de la compassion. Les meilleurs auditeurs sont les femmes. Elles sont fort sottes, il est vrai, mais elles pleurent au second mot. « Il faut aller jeter un coup d'œil sur le cheval, » pense Yona. « J'aurai encore assez de temps pour dormir. » Il s'habille et se rend à l'écurie. Il pense à l'avoine, au foin, au temps qu'il fait. Lorsqu'il est seul, la pensée de son fils lui est insupportable. Il voudrait en causer avec quelqu'un, mais y penser tout seul, se l'imaginer, ce lui est inexprimablement pénible. « Tu mâches ?» demande Yona à son cheval, en voyant ses yeux brillants. « Eh bien, mâche, mâche, mâche, mon vieux. Nous n'avons pas gagné notre avoine, il faut donc manger du foin. Oui, je deviens trop vieux pour un cocher. C'est mon fils qui devrait l'être, et non pas moi. C'était celui-là, un vrai cocher, s'il vivait encore. » Yona se tait quelque temps, et puis il continue. « Oui, ma petite jument, Kuzma Ionitch n'est plus. Il nous a ordonné de vivre vieux. Il est mort sans raison, comme ça. Disons par exemple que tu as un petit poulain dont tu es la mère, et tout à coup, disons, ce poulain meurt. Tu le regretterais, n'est-ce pas ?» Le cheval mange, écoute et respire sur les mains de son maître. Yona donne un libre cours à sa peine et raconte tout à sa jument. Ici se termine « Angoisse » de Anton Tchekhov. Enregistré par Christiane Johann.